Document 2, page 54. Alors Corinne, tu es bien dans ton nouvel appartement ? Très bien, maman. Il me plaît beaucoup. Mais ça fait 2 mois que j'habite là et je ne connais personne. Tu devrais peut-être te présenter à tes voisins. Ça me gêne un peu de frapper chez les gens que je ne connais pas. Alors tu pourrais les inviter chez toi pour un apéritif. Tu as vu mon appartement ? Il est sympa, mais pas vraiment grand. Pourquoi tu n'organiserais pas une fête des voisins ? Ça, c'est une bonne idée. Et on pourrait la faire dans le petit jardin derrière l'immeuble. Parfait. En plein air, les gens seront plus à l'aise et discuteront plus facilement. Oui, mais comment on organise ce genre de fête ? Tu pourrais mettre une affiche dans l'entrée et proposer à tous de se retrouver un soir dans le jardin. Ce serait plus convivial de partager un repas, non ? Évidemment. Pour ça, il faudrait leur dire d'apporter quelque chose. Une salade, un gâteau, une boisson. Moi, je ne suis pas très bonne cuisinière. Tu me connais. Pourquoi tu ne ferais pas des crêpes ? Oui, je peux. Et toi, maman, tu pourrais faire ton excellent gâteau au chocolat ? Oh, mais je ne suis pas ta voisine. Non, mais je suis sympa. Je t'invite.